les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Dans les années 60, créé par Jean Jacquot, apparaissait au CNRS le groupe de recherche théâtrale et musicologique. Disparu en 1983, Jean Jacquot était entré après-guerre au CNRS. Dès les années 50, en un temps où le théâtre était encore abordé le plus souvent comme un objet avant tout littéraire, il œuvra à multiplier les regards sous lesquels le placer. Ceux de l'histoire, de l'anthropologie, de la sociologie, de la sémiologie, etc. Au départ, nous étions conscients de la nécessité de conférer leurs spécificités aux études théâtrales, disait-il, mais aussi de les fonder sur l'acquisition d'un savoir dépendant de l'apport de diverses disciplines. En 1974, sur France Culture, dans le numéro 6 de Mise en scène, la série qu'il consacrait alors au théâtre, pour mettre en lumière les travaux de ce groupe de recherche théâtrale, Guy Dumur, délaissant un moment l'actualité des metteurs en scène et des comédiens, avait invité Jean Jacquot et deux autres chercheurs, Ellie Cunningson et Claude Gauvin, à venir parler du théâtre au Moyen-Âge. Mise en scène, le théâtre du Moyen-Âge, une émission diffusée la première fois, le 10 mars 1974, sur France Culture. L'émission d'aujourd'hui de mise en scène n'est pas consacrée à un spectacle joué actuellement à Paris. Elle sera consacrée, plus précisément, à des livres, à deux publications qui viennent de voir le jour au Centre national de la recherche scientifique et qui sont toutes deux consacrées au théâtre du Moyen-Âge. Il s'agit du livre le plus récent, celui qui vient juste de paraître, qui est un livre de M. Claude Gauvin, un cycle du théâtre religieux anglais au Moyen-Âge, et un peu moins récent, mais tout de même dans la même perspective, de M. Ellie Cunningson, la représentation d'un mystère de la passion à Valenciennes en 1547. Bien entendu, pour parler de ces livres, j'ai fait appel aujourd'hui à leurs auteurs, Claude Gauvin et Ellie Cunningson, et j'ai fait également appel à M. Jean Jacquot, qui dirige les équipes de recherche théâtrale et musicologique du Centre national de la recherche scientifique. Il m'a semblé en effet important, dans cette série d'émissions consacrées en quelque sorte à une espèce d'approfondissement du théâtre, d'approfondissement des problèmes que pose la mise en scène, il m'a semblé qu'il était important de parler de ce groupe de recherche et qui a une activité extrêmement importante actuellement à Paris et qui évidemment est peu connue du grand public dans la mesure où les savants sont des gens, nous verrons tout à l'heure, nous tâcherons de leur demander pourquoi, qui, je ne dirais pas se cachent, mais qui préfèrent rester un petit peu enfermés dans leurs travaux et dont on ne rencontre pas toujours les noms, en tout cas à la première page des journaux ou même devant les micros de France Culture. Donc, Jean Jacquot dirige, avec Denis Bablé et quelques autres, cette équipe de recherche théâtrale et musicologique du CNRS, et ils ont fait un grand nombre de travaux au cours de ces dernières années, des séminaires, des publications, des soutenances de thèses, et même une revue, ou du moins un recueil, des recueils d'articles sous le nom des voies de la recherche théâtrale. Tous ces travaux, encore une fois, sont marqués au sceau de la recherche scientifique. Le travail qui est fourni à propos de ces mises en scène ne relève pas du tout de la critique journalistique ou radiophonique, mais relève de véritables recherches et l'esprit de sérieux, bien entendu, préside à ces articles, à ces textes qu'a publié Jean Jacquot et ses amis au CNRS. Jean Jacquot, est-ce que vous pouvez mieux définir vos buts et vos travaux, la nature de vos travaux au CNRS ? Eh bien, ce que nous avons cherché, nos collègues et moi, c'est à développer la recherche dans deux directions qui me paraissent complémentaires. D'une part, sur le théâtre actuel, sur le théâtre qui est en train de se faire ou celui qui vient de se réaliser. Et puis, d'autre part, il y a une recherche historique. Une recherche historique qui, d'ailleurs, peut commencer très tôt, parce qu'une fois qu'un spectacle n'est plus représenté, on en est réduit à rechercher des documents, à reconstituer par des questions posées à ces réalisateurs quelles ont été leurs intentions. Et il y a une part de reconstitution et d'imagination qui joue pour si l'on tente de faire revivre le spectacle. Et cette démarche, qui est nécessaire déjà pour un spectacle qui date de quelques années, est naturellement plus nécessaire encore et plus complexe lorsqu'il s'agit du théâtre des siècles passés. Mais je pense que j'ai dit tout à l'heure que ces recherches étaient complémentaires, et j'en donnerai tout de suite l'illustration. Puisque nous parlons de théâtre médiéval, vous savez que au début de ce siècle et durant tout ce siècle, lorsqu'on s'est avisé de mettre en question les structures scéniques traditionnelles, lorsqu'on a estimé que la boîte d'illusions qui nous avait été léguée par les siècles précédents n'était peut-être pas la seule forme de communication possible entre acteurs et public, on s'est référé dans un esprit de rénovation à des théâtres anciens, aussi bien au théâtre grec antique, au théâtre médiéval, au théâtre d'Orient, au théâtre élisabétain. On a donc interrogé le passé, pas dans le même esprit sans doute. Quand on cherche à visualiser le passé, c'est toujours avec, en se référant aux formes actuelles, qu'on se demande en quoi le passé, en tout cas en quoi la représentation d'il y a quelques siècles, en quoi l'esprit des spectateurs et des acteurs différait de celui d'aujourd'hui. Et en tout cas, ça a été notre volonté première de réunir, n'est-ce pas, dans une même recherche, l'étude des formes d'expression du lieu théâtral et l'étude des textes, l'un est en fonction de l'autre. Monsieur Claude Gauvin est un spécialiste justement du théâtre du Moyen-Âge anglais et je crois angliciste de formation. Et est-ce que justement, en Angleterre, vous avez rencontré plus de curiosité à l'égard de ces recherches que l'on en trouve en France? Oui, certainement. Mais la tendance dont parlait Monsieur Jacquot à la minute a longtemps existé en Angleterre aussi, à savoir que l'on a longtemps considéré les textes dramatiques uniquement comme des textes. Puis, je pense, à partir de l'approfondissement des problèmes de la scène élisabéthaine, on a remonté peu à peu dans le temps et l'on s'est posé des problèmes d'approfondissement de la scène médiévale. Mais je pense qu'il a fallu attendre un certain temps avant que ces deux domaines se rejoignent, c'est-à-dire le domaine de l'étude des problèmes de mise en scène et le domaine de l'étude des textes sous l'aspect des thèmes, des sources, etc. Et ceci, bien sûr, a commencé en Angleterre et aux États-Unis avant de commencer en France, ce qui est peut-être même normal. Et pourquoi aux États-Unis? Je ne saurais vous dire exactement, si ce n'est qu'il y a une riche vie universitaire aux États-Unis, de nombreuses universités où l'on fait des recherches variées. Peut-être aussi faut-il y voir l'influence de certaines équipes ou de certaines universités à tendance religieuse qui se sont penchées sur le théâtre religieux en tant que phénomène religieux. Ce qui déjà les a amenés à abandonner l'étude strictement littéraire. Et vous, Elie Connickson, vous vous intéressez à la France, mais vous avez également d'autres domaines. Est-ce qu'il y a d'autres pays où dont vous pouvez dire aussi que ces recherches sont poursuivies en Europe? Oui, les pays d'Europe où les recherches sont poursuivies, outre l'Angleterre dont on vient de parler, et la France, où la recherche est finalement relativement ancienne quand même. À la fin du 19e siècle, il y a déjà eu un courant de recherche, notamment autour de Paulin Paris, puis de Gaston Paris au niveau universitaire. Et puis, essentiellement, l'Allemagne. L'Allemagne et la Suisse. Disons les pays de langue germanique, c'est d'ailleurs la Suisse allemandique, l'Autriche également, où il y a eu un courant de recherche assez important au début du siècle, avec des gens comme Mohn, Kreitzenach, etc., et qui se sont posés les problèmes de la mise en scène et du lieu théâtral, en même temps que celui des textes, bien souvent, parce que les documents sont, même s'ils sont rares, sont quand même assez importants pour qu'on en parle. Le défaut, je crois que c'est un défaut général qu'on pourrait remarquer pour l'ensemble, si vous voulez, du domaine européen, c'est que les recherches sont toujours parties à partir de données littéraires. C'est-à-dire que ce sont des littéraires qui ont examiné également les documents dont la critique aurait dû être faite bien souvent par des historiens, parfois même par des archéologues, c'est-à-dire des gens qui avaient certainement une connaissance du domaine littéraire, mais qui manquaient incontestablement de connaissances en ce qui concerne l'urbanisme et des données de cet ordre, qui sont très importantes pour la mise en scène médiévale. Je suis tout à fait d'accord avec Königson pour penser qu'il y a un approfondissement à faire du côté de l'histoire sociale, de l'histoire des mentalités aussi, de l'histoire religieuse, comme le disait à l'instant Gauvin. Je vais donner un exemple qui peut avoir son intérêt parce qu'il touche à l'histoire, une histoire assez voisine de celle dont nous parlons ce soir. Il s'agit de l'hôtel de Bourgogne au début du XVIIe siècle, pour lequel nous avons un document précieux qui est le mémoire de Maheulot, qui comporte des notations de décors et un certain nombre de dessins qui étaient conçu en fonction d'une mise en scène précise dans un théâtre bien défini. Eh bien, il se trouve qu'à l'heure actuelle, l'un de nos chercheurs, Jean-Pierre Ringard, s'est attelé à cette besogne de reconstituer les mises en scène du théâtre de l'hôtel de Bourgogne. Il a une bonne formation de 17e au point de vue littéraire, mais c'est un garçon qui a aussi une formation théâtrale, qui est acteur et qui est à l'occasion metteur en scène. Donc il ne sépare pas la théorie de la pratique. À cet égard, il est très différent de nous autres qui sommes ici, qui sommes restés quand même des théoriciens, qui n'avons pas d'expérience pratique de la scène, sauf comme spectateur et sauf par la discipline que nous nous sommes imposés pour observer des spectacles modernes. Il ne faut pas oublier non plus que le théâtre médiéval dont nous parlons, et aussi une grande partie du théâtre de la Renaissance, est un théâtre de circonstances qui est lié à une célébration ou à une réjouissance. Jean Jacquot disait à l'instant que le théâtre ancien, le théâtre du Moyen-Âge, mais il pensait peut-être aussi au théâtre de la Renaissance, mais enfin, il s'agit surtout ici, aujourd'hui, du théâtre du Moyen-Âge, était un théâtre de circonstances. Et la première question que je voudrais vous poser aux uns et aux autres, c'est est-ce qu'on peut parler du théâtre du Moyen-Âge en bloc, c'est-à-dire un théâtre qui couvrirait plusieurs siècles, qui irait, je ne sais pas moi, du 11e ou 12e siècle jusqu'au 16e siècle. Est-ce que, ou au contraire, est-ce que vous vous êtes attaché dans vos études qui sont finalement, qui portent sur des périodes beaucoup plus récentes, puisque dans le cas du livre de Lyconingson, il s'agit d'un mystère de la passion qui date de 1547, et dans le livre de Claude Gauvin, il s'agit d'un texte qui date de la fin du 15e siècle, n'est-ce pas ? Donc c'est relativement récent. Et est-ce que ce théâtre que vous avez étudié est typique du Moyen-Âge ? Est-ce qu'il était le même auparavant ? Est-ce qu'il a surgi subitement ? Enfin bref, c'est à ces questions que je voudrais voir répondre. Claude Gauvin. Le Moyen-Âge, c'est grand. Oui, justement. Ça a duré longtemps. Et aussi bien les travaux de Königson que les miens portent sur une période qui est la fin du Moyen-Âge. Et je crois qu'il faut faire une différence en ce qui concerne le théâtre entre un certain type de théâtre, ou même plusieurs types de théâtre qui ont existé au XIVe et XVe siècle, et des types antérieurs, tels que le théâtre d'église, qui a commencé bien avant, et que l'on connaît sous le nom de théâtre liturgique, qui est quelque chose de tout à fait différent, et qui d'ailleurs très longtemps a été en latin et non pas en langue vernaculaire. Il y a un théâtre dont le foyer est encore l'église, n'est-ce pas, qui se déroule à l'intérieur de l'église, qui est encore intimement mêlé à la liturgie. Et puis il y en a un autre qui se déroule sur le parvis de l'église ou sur la place du marché, et qui, celui-là, est plus directement mêlé à la vie sociale. Ce qu'il y a, c'est qu'en ce qui concerne les mises en scène, nous avons les documents de ceux qui ont conservé les documents, c'est-à-dire essentiellement l'église et puis les communes urbaines qui ont célébré un certain nombre d'éléments de la vie sociale fondamentaux et qui en ont gardé les traces, vous voyez, à l'intérieur de leurs archives. Alors, pour ce qui concerne le théâtre profane, c'est-à-dire les moralités, les farces, les sotties, etc., nous avons un certain nombre de documents, mais qui sont beaucoup plus tardifs, qui datent à partir du milieu du XVIe siècle et du XVIIe siècle. Ce sont les fameux tréteaux, les baraques foraines, etc., qui donnent une idée de ces représentations, mais qui sont très différentes du théâtre religieux. Maintenant, je voudrais revenir un instant, si vous permettez, sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la continuité dans le théâtre médiéval. C'est qu'il y a à la fois des continuités et des ruptures. La continuité, c'est, si vous voulez, Le cadre architectural, l'église ou la cité, et qui se continue à travers tout le Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'il y a une assise qui est non théâtrale à la base et qui regroupe dans son intérieur la célébration civique ou la célébration religieuse. Par contre, il y a des ruptures très nettes au niveau social. Dans l'église, c'est le clergé. Et la langue est essentiellement latin, sauf pendant une période tardive où la langue vernaculaire est introduite dans la célébration. Et dans la cité, eh bien, c'est la bourgeoisie qui représente ce théâtre religieux. Et il y a là une coupure sociale absolument évidente. Effectivement, la bourgeoisie s'affirme à la fois sur le plan commercial et sur le plan politique, surtout au XVe siècle, avec l'alliance avec la royauté, qui est un phénomène bien connu. Et à ce niveau-là, le théâtre religieux, même si vous voulez, dans son essence, c'est quelque chose qui est commun à l'ensemble de la société, sert de relais à la bourgeoisie pour s'exprimer. Et c'est à travers ce théâtre religieux que la population bourgeoise urbaine s'exprime. Élie Königson, en voyant justement votre livre, il y a quelque chose qui étonne, c'est la date, cette date de 1547, c'est-à-dire le milieu du XVIe siècle. Mm-hmm. Et est-ce qu'on peut parler encore de Moyen-Âge à ce moment-là ? Car au point de vue de l'histoire, il semble que le Moyen-Âge soit terminé déjà depuis longtemps, même peut-on dire, enfin, pas depuis un siècle. C'est ça. Oui, alors il y a plusieurs problèmes. Bon, il y a effectivement le temps traditionnel, je dirais traditionnel parce que les historiens aujourd'hui n'acceptent plus cette fameuse coupure, ces fameuses ruptures entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Il y a un autre problème qui est beaucoup plus simple, c'est-à-dire celui des documents. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de théâtre avant, mais simplement que les documents apparaissent dans les communes à partir du moment où il y a constitution d'archives, oui, oui, de livres de comptes, etc. Oui. C'est-à-dire que nous ne pouvons travailler finalement, oui, que bien sur sûr, que l'histoire. Non, mais ça, je comprends. Je ne pense pas que vous ayez inventé ce théâtre pour les besoins, oui, de la cause. Alors, pour sa continuité. Mais je veux dire simplement, est-ce que, c'est un point de vue, si vous voulez, j'interroge là l'historien, est-ce qu'il n'y a pas eu dans le théâtre des survivances, des persistances? Ce ne sont pas des survivances. Pas du tout aux survivances. Ce théâtre a une fonction à la société, et aussi longtemps qu'on le représente, c'est qu'il joue un rôle et qu'il a une fonction à l'intérieur de cette société. La notion de survivance, je crois, n'est pas très utile d'une manière générale en histoire, elle ne correspond pas à grand-chose, parce qu'à ce moment-là, il faudrait se demander qui, dans la société, prend en charge ces survivances et à quoi servent-elles. Oui, mais c'est une question importante. Et donc, c'est une fonction, et nous trouvons même un théâtre d'essence médiévale, c'est-à-dire... tant au point de vue des textes qu'au point de vue de l'organisation des jeux jusqu'au XVIIe siècle. Dans certaines régions en Savoie, au XVIIe siècle, par exemple, en Suisse, on représente encore des mystères, n'est-ce pas? Et ça a une fonction sociale bien précise, et les gens s'expriment à travers ça. Autrement dit, n'est-ce pas, les périodes historiquement définies par la prise de Constantinople ou la fin de la guerre de 100 ans, ou des choses comme ça, ne correspondent pas du tout à l'évolution des mentalités qui s'étendent sur un temps historique beaucoup plus long. Est-ce qu'en Angleterre, ce que j'ai appelé tout à l'heure à tort, semble-t-il, ces survivances, est-ce qu'elles ont été moins vives en Angleterre ? Les problèmes sont à la fois semblables et différents. Semblables dans la mesure où l'Angleterre fait partie d'un Moyen-Âge européen qui ne s'arrête pas aux frontières, bien ni sûr, au bras de mer, et également différent parce que les conditions sociales et historiques en Angleterre ont évolué à partir d'un certain moment de façon extrêmement divergente. Alors, le théâtre anglais, d'abord, est resté au XVe siècle très marqué par l'empreinte religieuse. Il est lié à une circonstance ou à des circonstances religieuses, et l'Église continue à avoir une surveillance idéologique extrêmement sévère sur ce théâtre, et d'ailleurs il est vraisemblable que ce sont des membres de l'Église qui ont écrit ces pièces. Et puis il se passe une rupture. Le théâtre anglais s'arrête, le théâtre anglais religieux s'arrête d'un seul coup pour des raisons extérieures qui n'ont rien à voir avec l'évolution des structures, tout au moins au niveau dramatique, mais qui sont des raisons historiques. Avec la réforme. Voilà. La réforme ne pouvait pas tolérer un théâtre qui était porteur d'une idéologie qu'elle rejetait, et d'autre part, qui, sous des formes nouvelles, amenait sur la scène des débats religieux et doctrinaux que le pouvoir politique ne voulait pas laisser se développer. Et il y a là un arrêt forcé par intervention du pouvoir politique des représentations dramatiques au début du XVIe siècle, avec une tentative de reprise sous le règne de Marie Tudor, mais évidemment ça n'a pas duré suffisamment longtemps pour que cette tentative soit poussée bien loin. Ceci dit, il faudrait quand même tempérer ce que vous venez de dire, parce que certes ce théâtre de la Renaissance semble sortir de rien, mais on peut démontrer qu'il n'en est pas ainsi. Et d'un autre côté, on sait que des gens comme Shakespeare ont vécu à une époque où les pièces médiévales étaient encore jouées. Par exemple, Shakespeare habitait tout près de Coventry. Il a pu voir les cycles représentés à Coventry. D'ailleurs, justement, le manuscrit que vous avez étudié longuement dans votre cycle du théâtre religieux anglais au Moyen-Âge porte le nom de Ludus Coventrier, c'est-à-dire de Coventry. Mais c'est un nom trompeur. Oui. Il y a longtemps déjà que les savants savent que c'est un nom trompeur. Ce manuscrit n'a rien à voir avec Coventry. Et alors, ce texte est un très très long texte que vous publiez, que vous commentez, qui est écrit justement en anglais, et qui est un texte donc d'un mystère, d'une passion, qui était joué au moment de la fête Dieu, c'est-à-dire pour Corpus Christi. Oui, c'est cela, je ne publie pas le texte. Enfin, vous en publiez de longs passages, vous commentez énormément. Le texte est publié par ailleurs, oui, et non, mais enfin, vous commentez, il va sans doute faire l'objet par des savants, de la part de savants américains d'une nouvelle publication à noter. C'est un texte en moyen anglais, de la région du nord-est de Londres, ce qu'on appelle les Sud-Est Midlands. Il est long, pas plus long qu'un autre, il a une longueur moyenne pour un cycle, C'est oui, mais enfin, pour nous, vers, c'est ça, c'est vers, quand même très beau, c'est quand assez, même beaucoup. C'est assez long, oui. Et en effet, il est à supposer qu'il a été commandé et joué pour célébrer la fête Dieu. C'est une... comment dirais-je, c'est une catégorie générale, on appelle en Angleterre ces cycles, des cycles de la fête Dieu, mais l'on sait historiquement que certains d'entre eux étaient joués à d'autres périodes. Mais en général, ce sont des déplacements qui ont été motivés pour des raisons soit atmosphériques, soit parce qu'il y avait une cohabitation difficile entre la célébration proprement dite, proprement religieuse de la fête Dieu et la circonstance religieuse. Mais il est à peu près certain que l'origine même de la constitution de ces cycles, c'est la fête Dieu et la nécessité, à l'occasion de la fête Dieu, de représenter dramatiquement, de représenter par image vivante et parler les éléments essentiels de la doctrine chrétienne telle qu'on l'entendait à l'époque. C'est-à-dire empruntant des scènes à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament. Oui, le centre, c'est quand même la Passion du Christ. La Passion. Et le Nouveau Testament et les scènes de l'Ancien Testament sont essentiellement là pour poser des jalons historiques ou pour préparer, soit historiquement, soit typologiquement, les scènes du Nouveau Testament. Qu'est-ce que vous voulez dire typologiquement ? La typologie, c'est une méthode d'exégèse biblique très développée au Moyen-Âge qui consiste à voir dans des événements de l'Ancien Testament une préfiguration voulue par le Créateur, voulue par Dieu, des événements importants du Nouveau Testament, de la vie du Christ. Comme par exemple Par exemple, le sacrifice d'Isaac serait une préfiguration de la crucifixion, par exemple. C'est ça. Et alors, pour le spectateur qui entendait, qui écoutait ces textes, est-ce que c'est toutes ces allusions, justement, aller de soi, ou est-ce qu'elles étaient un moyen didactique? Est-ce que c'était le moyen de leur apprendre des choses qu'ils ne savaient pas? Là, vous posez un problème auquel j'aurais beaucoup d'audace en répondant de façon stricte. Je pense qu'il il faut discerner des strates dans cette population. Il y avait certainement des gens pour qui toutes ces allusions théologiques allaient de soi. Il y en avait d'autres au-dessus de la tête de qui cela devait passer. Néanmoins, cela fait quand même partie d'une culture d'ensemble que l'on retrouve dans les arts, par exemple. Est-ce que les gens, si vous voulez, pour être plus précis, est-ce que les gens allaient à ce théâtre pour se distraire ou pour être édifiés? Enfin, les deux, vous allez ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, ils y allaient pour gagner le paradis. Ah oui, bah donc c'est dans des buts d'édification, alors pas de distraction théâtrale. Mais pas didactique, oui. Et je pense qu'au Moyen-Âge, on gagnait le paradis, on ne le gagnait pas forcément en s'ennuyant. Enfin, les prologues indiquent bien que quiconque entendra cette pièce sans faire trop de bruit gagnera tant de jours d'indulgence ou s'assurera une entrée plus rapide au paradis. Let's go! Mais alors, dans ces passions tout de même qui duraient plusieurs jours, c'était le même public qui arrivait. La vie s'arrêtait complètement, alors. Oui. Alors, nous avons des textes qui sont très intéressants, qui ne sont pas généralisables à l'ensemble du Moyen-Âge, mais qui sont quand même assez intéressants. Il y a particulièrement un texte qui vient d'Angers, de la fin du XVe siècle, et qui montre une ville pratiquement en état de siège pendant la représentation. Les portes sont fermées, les rues sont sillonnées, n'est-ce pas, par la maréchaussée. Et finalement, l'ensemble des forces vives, si vous voulez, de la cité, est réuni dans le théâtre pendant tout ce temps, n'est-ce pas? Oui. Mais alors, ça faisait combien de gens, à peu près, vous pensez, de spectateurs? Oh, c'est très variable, n'est-ce pas? Nous avons des représentations qui concernent entre 1500 et 2500 personnes, d'autres qui peut-être auraient concerné jusqu'à 5000 personnes dans des grandes villes, mais enfin, je n'y crois pas trop, et en tout cas, c'est assez exceptionnel, disons que 2500, 3000 personnes, c'est déjà beaucoup. Il ne faut pas oublier que les villes médiévales sont quand même des petites villes, n'est-ce pas? Ce sont quand même des petites villes, et ça concerne non seulement la population locale, mais aussi les gens qui viennent des alentours de la région, parce que c'est une célébration importante pour toute une région. En Angleterre, les représentations sont annuelles, et tout au moins sur une assez grande période, chaque ville, tout au moins celle que nous connaissons, avait des représentations annuelles de son cycle. Ces représentations ne duraient en principe qu'un jour, ça commençait au lever du soleil, et ça se terminait lorsqu'il n'y avait plus assez de lumière. On a une archive de Coventry, par exemple, qui est un jour où la famille royale s'était déplacée et où l'on sait qu'on a dû arrêter avant la fin du cycle parce qu'il ne faisait plus jour. Une seule ville, d'après les archives dont nous disposons, c'est Chester, avait sa représentation étalée sur 3 jours. Vous voyez que ça fait quand même quelque chose d'une situation très différente de la situation plus tardive, d'ailleurs, je crois, que l'on trouve en France avec des représentations étalées sur des périodes considérables. Et est-ce que vous croyez que les gens étaient extraordinairement attentifs, ou bien comme on le sait pour le théâtre chinois, est-ce qu'ils mangeaient, est-ce qu'il y avait toutes sortes d'autres éléments de fête autour? On s'arrêtait pour manger, on mangeait entre les séances, et il semble qu'on le faisait allègrement, si l'on n'en juge pas. Les archives qui sont très nourries dans ce domaine, parce qu'il fallait payer la nourriture, et les archives en portent trace. Ceci dit, on sait aussi qu'on a de nombreux prologues ou des parties de textes qui demandent le silence, ce qui laisse entendre qu'il n'était pas acquis. Pour faire ces spectacles, évidemment, on s'y prépare longtemps à l'avance. Et qui va monter ces spectacles? Nous avons vu tout à l'heure, nous avons évoqué les textes. Il y a d'abord un texte. Et que ce texte, semble-t-il, enfin, même c'est ce que disait Claude Gauvin, a été écrit vraisemblablement par des ecclésiastiques. Il y a, disons, un certain nombre de textes fondamentaux qui ont parcouru, disons, la seconde moitié du Moyen-Âge, en gros, et la fin du Moyen-Âge. Mais ce qui est particulier, si vous voulez, à cette période, c'est que ces textes ne sont pas des textes définitifs. Par exemple, il y a au XVe siècle 3 grands textes bien connus et étudiés par les littéraires, la Passion d'Arras, la Passion de Gréban qui est du milieu du siècle, et la Passion de Jean-Michel, 1486. Bien. Alors, ces textes-là ont été représentés en tant que tels, et puis ce sont des textes qui ont également été représentés sous des formes refondues. Vous voyez, il n'y a pas de droit d'auteur, on prend un texte, on le désarticule, on le recompose, on y fait des ajouts, on en soustrait d'autres éléments. Et ces textes de voyage, les manuscrits, se prêtent d'une ville à l'autre également. Bien. Ceci dit, il y a également des textes particuliers qui ont été écrits en fonction d'une célébration particulière dans telle et telle ville. Par exemple, un roman en 1509, après une période de sécheresse et une épidémie de peste, on commande à un chanoine du coin, le chanoine Prat, un texte particulier qui n'est représenté qu'à Romans à cette date-là. Un texte, autrement dit, il y a les deux éléments, n'est-ce pas? Texte particulier et en même temps grand texte qui, au niveau de la passion, notamment, qui voyage à travers toute la France et même au-delà. C'est ça, oui. Et alors, qui jouait ces spectacles? Comment étaient-ils préparés? Ce sont des associations locales réunis pour le temps de la représentation et en vue de cette représentation particulière. On peut parler quoi? D'une véritable troupe théâtrale? C'est une troupe théâtrale, si vous voulez, dans le sens où elle se réunit pour jouer cette représentation-là, mais où elle n'en jouera pas obligatoirement une autre, peut-être durant même toute leur vie. C'est ça. Mais alors, ce sont des gens qui appartiennent à différentes professions? Ce sont des gens qui appartiennent à différentes professions. Mais il faut remarquer que, d'une manière générale, sauf quelques rares exceptions, l'ensemble des acteurs, des organisateurs et à mon avis même du public appartiennent aux mêmes couches sociales. C'est-à-dire, en gros, à ce que nous appellerions aujourd'hui la bourgeoisie et la petite bourgeoisie. Ah bon ? Les paysans n'assistent pas, par exemple. Vous voulez dire que, que la ville serait ouverte au monde paysan pour ce spectacle ? Non. Non. Non. En tout cas, nous n'avons absolument aucun document qui puisse le permettre d'avancer une telle hypothèse. Par contre, nous avons une quantité de documents qui montrent que, tant sur le plan financier que sur le plan proprement matériel de l'organisation, ce sont les couches les plus riches, et celles qui font partie en général soit du magistrat local, soit de la commune, etc., qui organisent ces manifestations religieuses. Et pour ces comédiens, je repose la même question que je posais tout à l'heure pour le public, il s'agissait de gagner le paradis aussi, ou bien ils prenaient plaisir Je ne serais pas aussi, je serais pas aussi net que Gauvin, ne serait-ce que parce que ça concerne à la fois des périodes des pays différents. Il y a incontestablement cet élément qu'il a indiqué. Mais quand on voit à la fois les périodes, les moments choisis et la manière dont sont organisés ces spectacles, on se rend compte qu'il y a un facteur économique extraordinairement important. On a oublié de dire une chose. En France, en tout cas, ces spectacles sont payants. Bon. À l'intérieur des places payantes, il y a des différents niveaux, n'est-ce pas ? Il y a des places basses, il y a des places hautes. Des fauteuils d'orchestre, des balcons. Voilà, exactement, si vous voulez. Et que d'autre part, il y a des bénéfices. Par exemple, à Valenciennes, n'est-ce pas, pour la représentation que j'ai étudiée, il y a un bénéfice très net qui est ensuite partagé entre les organisateurs. Et puis en même temps, c'est pour la ville une possibilité commerciale extrêmement importante. D'attirer des gens, c'est un festival, le festival. Voilà, très exactement. Ce qui ne limite pas pour autant, si vous voulez, la valeur religieuse de l'ensemble. Les deux choses vont ensemble. Et c'est une chose assez caractéristique au Moyen-Âge d'une manière générale. Les deux choses vont ensemble et ne sont absolument pas scindées. Disons tout de suite que les documents que nous possédons concerne en général, pas toujours, mais en général, des représentations très somptueuses. On comprend bien que ce qui a été somptueux et qui a nécessité beaucoup d'argent soit inscrit dans les livres de compte de manière plus importante que ce qui n'en a pas nécessité. Bien. Alors ça, c'est une restriction déjà par rapport à ce que nous savons. Mais d'une manière générale, effectivement, une représentation théâtrale coûte très cher. Elle coûte très cher, d'abord parce qu'elle arrête la vie de la cité, au moins dans ses forces vives. Ensuite, parce que l'organisation même est extrêmement onéreuse. Les décors, les costumes sont des choses qui coûtent extrêmement cher et qui sont prises en charge par la communauté la plus riche de cette société urbaine. On sait par exemple que pour une représentation comme celle de Bourges en 1536, Bourges était une ville drapière, il y a eu un défilé de costumes dans la ville, ce qu'on appelait la montre, c'est-à-dire ce qui précédait la représentation, et décors et costumes et acteurs défilés à l'intérieur de la cité, où on a eu affaire véritablement à une espèce de procession de réclame, si vous voulez, pour la cité. De parade. De parade, c'est-à-dire que véritablement les tissus les plus riches et les plus somptueux étaient exposés, n'est-ce pas, aux yeux des participants et des gens qui étaient accourus pour ça. Pour d'autres représentations, celles de romans, on a des documents beaucoup plus rares qui montrent que ce sont simplement les acteurs qui sont chargés de se procurer eux-mêmes le costume en fonction du rôle qu'ils ont à jouer. Et là, on a un certain nombre d'indications qui montrent qu'il y a un mélange. Mais un mélange très conscient, finalement, d'habits d'époque et d'habits, disons, d'ordre canonique. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnages sacrés. Vous pouvez retrouver ces costumes, si vous voulez, sur les miniatures. Par exemple, s'habillent selon un certain ordre. Le Christ s'habille de telle et telle manière, la Vierge également, selon une symbolique. Qui était selon une symbolique presque canonique. C'est enfin, ça, et qui correspond à l'ensemble des arts visuels, si vous voulez. Je pense que la sculpture, les miniatures, la peinture, le théâtre, de s'inspirer tous d'une même convention, d'une même façon de voir ces choses-là à l'époque, d'une communauté de signes, appelez ça comme vous voudrez, ce qui fait qu'on retrouve les mêmes scènes décrites de la même façon dans les différentes représentations visuelles. L'avantage des sculptures, c'est qu'elles existent encore, alors que les représentations dramatiques n'ont pas fait l'objet de photographies ni même de descriptions détaillées. Ceci dit, je voudrais quand même ajouter un mot, ce qu'a dit Königson pourrait faire croire au public que les choses se passent exactement de la même façon en Angleterre. Or, vous savez que tout au moins la plupart des cycles, trois sur les quatre cycles anglais qui restent, n'étaient pas représentés sur un dispositif scénique fixe. Ah oui, c'est bien sûr. C'est le problème des représentations sur Charles, c'est-à-dire une ou plusieurs scènes munies de roues et se déplaçant dans la cité. Ah oui. Alors, ceci, évidemment, donne des limites extrêmement strictes à l'espace scénique. C'est le pageant. C'est le pageant, c'est ça. Ça, oui. C'est le pageant wagon, c'est le char en français. Mmh. On a des exemples dans le nord de la France, enfin, ça, dans les Flandres, qui sont tardifs d'ailleurs et qui sont certainement plus somptueux que les chars anglais, mais enfin, qui indiquent déjà des points de vue des techniques. Ce char est une construction également onéreuse. Mmh. Il était certainement très richement décoré. Ceci dit, c'était quand même une scène extrêmement limitée. Et il est probable que l'on faisait également que l'on utilisait également l'espace entourant le char, c'est-à-dire là aussi un lieu non déterminé tout autour du char. Et il est possible également que l'on utilisait plusieurs chars groupés, chaque char représentant un dispositif et le jeu se déroulant tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre. C'est ça. Je crois d'ailleurs savoir que l'auto sacramental espagnol se déroulait aussi sur des chars. C'est exact. N'est-ce pas ? C'est exact. Oui, on a le même problème de la combinaison d'une plateforme fixe avec des chars porteurs de décors. Et même de machinerie, qui sont joints de diverses. Mais alors, et ces chars permettaient une vraie représentation théâtrale, ou bien il s'agissait simplement d'espèces de pantomimes? Il y a deux choses. Il y a des chars de procession, comme ceux auxquels vous faisiez allusion pour les provinces du Nord. Et, il y a des représentations de scènes de. Du Nouveau Testament sur des chars qui sont entièrement mimés, n'est-ce pas? De même qu'il y a des tableaux vivants les entrées. Mais les chars dont parle monsieur Gauvin sont utilisés pour de véritables représentations dramatiques, de même que les chars des autos. Mais alors, un problème se pose que l'on n'a pas abordé jusqu'à présent dans la recherche, parce que on ne s'était pas livré à des études liant la théorie à la pratique, justement, c'est le problème des représentations successives. La théorie qui a couru jusqu'à présent était que ces chars anglais étaient utilisés chacun pour la représentation d'une partie du cycle, qui s'appelle aussi le pageant, d'ailleurs, qui a le même nom que le char, et qu'on représentait successivement chacune de ces parties à différents endroits de la ville, appelés stations. Proximité d'une église. Le spectacle venait aux spectateurs, en quelque sorte. Ah oui, oui. Oui, ou la maison d'un riche membre du conseil, etc. Et puis, un certain nombre de chercheurs se sont mis à faire des calculs, et on s'est aperçu que ce type de représentation, avec le nombre de stations qui sont indiquées dans certains manuscrits, était matériellement impossible, car cela prend un temps considérable. Donc, là, la question est remise sur le tapis. Il semble ou que les représentations n'avaient lieu que dans un nombre de stations très limité, ou même qu'elles n'avaient lieu qu'en un seul endroit, et que le reste était simplement des processions et des arrêts avec pantomime ou avec spectacle mimé, mais très court. Car étant donné le nombre de vers que l'on a, le temps qu'il faut pour les représenter, etc., on sait que le cycle de York, par exemple, s'il avait fallu le représenter comme on se l'imaginait jusqu'à présent, cela aurait duré, je ne sais plus le nombre d'heures, mais enfin plus de 48 heures. Oui. Or, la représentation avait lieu en un jour. Je voulais demander à Gauvin s'il n'y avait pas un rapport entre ce qu'on appelle le pageant, c'est-à-dire à la fois une unité de représentation et une unité de décor, et puis l'existence de guildes de métiers qui étaient ainsi associées à ce tribut religieux, n'est-ce pas de... Si, ce rapport existe dans un certain nombre de cycles que je qualifierais de traditionnels. Le cycle tout entier est coupé et divisé en pageants, dont chacun est confié à une guilde d'artisans, de maîtres artisans, précisons-le tout de suite, qui a la responsabilité financière ainsi que dramatique de la représentation. Ceci dit, il existe aussi des représentations qui sont dirigées par une seule guilde, une guilde religieuse, qui réunit d'ailleurs les mêmes gens, mais qui les réunit dans un ensemble uniquement destiné, par exemple, à la célébration de la fête Dieu ou de la fête de Sainte-Anne et à la représentation du cycle. Et comment ces gens jouaient ? C'est-à-dire que nous n'avons pas parlé du tout du style des représentations. Vous l'avez évoqué dans vos livres, d'ailleurs. Il ne s'agissait pas d'un théâtre réaliste. Il s'agissait donc qu'il y avait une certaine façon de réciter ces textes, de les dire, non ? Il est vraisemblable que l'on se souvenait en partie d'un style liturgique de déclamation, mais... il n'est pas sûr que ce style était entièrement conservé. Disons qu'il y en avait une trace d'une certaine déclamation symbolique, mais qu'il y avait aussi les exigences essentielles, d'après les documents, c'est de bien prononcer, de bien se souvenir de son texte et de parler fort. Oui, mais est-ce qu'il y avait un effort vers le réalisme, vous pensez ? Je crois qu'il faudrait définir réalisme et que cela nous prendrait. Je veux dire, par exemple, dans l'émotion, par exemple, disons l'émotion, est-ce qu'il traduisait la douleur ? Vous avez parfaitement raison. Il y a des signes, en effet, qui indiquent l'émotion, la douleur. Il y a des scènes où l'on voit la Sainte Vierge se pâmer au pied de la croix. C'est ça, par exemple. Est-ce qu'il y avait donc une dramatisation ? Il y a des exemples. Oui, mais enfin, finalement, c'est la même dramatisation que celle qu'on rencontre dans l'iconographie, n'est-ce pas ? Là aussi, c'est une dramatisation conventionnelle. Je crois qu'il faut faire attention à cette notion de dramatisation. Elle n'est pas réaliste, elle est conventionnelle. Et il y a quelques indications marginales, par exemple, dans les textes qui le montrent bien. À telle et telle scène, l'acteur doit lever les yeux vers le ciel et joindre les mains, s'affaler, etc. C'est une forme assez canonique de jeu, malgré tout. Ceci dit, le réalisme est une convention. Est-ce qu'il y avait de temps en temps un grand acteur ou une grande actrice ? Est-ce que, par exemple, tout d'un coup, il y avait quelqu'un, est-ce qu'on a des textes indiquant que quelqu'un avait joué la Vierge Marie, par exemple, d'une façon plus extraordinaire ? On a des gens qui sont spécialisés dans certains rôles, ce qui semble montrer qu'ils avaient un talent particulier. Voilà. Mais on a aussi, vraisemblablement, d'après les paiements accordés, on a vraisemblablement des acteurs professionnels. Ah bon, donc des vedettes. Au moins pour certains rôles ou pour des rôles impliquant de la musique, des choses comme ça. Il y a vraisemblablement des sommes qui sont payées à des ménestrels itinérants. Oui, mais qui jouent simplement. J'ai effectivement ce même genre de choses en France, mais pour des musiciens qui sont sur scène pour jouer de la musique uniquement. Alors qu'il existe effectivement, comme vous le remarquiez, des acteurs qui semblent se spécialiser un certain nombre de rôles. Il y avait par exemple à la fin du XVe siècle dans les Flandres un acteur qui était employé par plusieurs villes pour représenter le rôle de Dieu et qu'on n'appelait plus que Dieu, c'est devenu son sobriquet, n'est-ce pas ? On l'appelait Dieu. Et cet acteur était spécialisé dans ce rôle-là. C'est relativement rare. Et vous pensez que cet acteur qui représentait Dieu, c'est parce qu'il avait un physique particulier, peut-être ? Alors ça, je n'en sais strictement rien. Il devait avoir une voix, surtout. Oui, je crois que c'est ça. Mais il y a aussi d'autres spécialisations qui est intéressante, c'est la spécialisation de régisseur, metteur en scène, de personnages que l'on finit par voir chargés, investi par une ville à la place de la guilde, de la direction. Ah oui, ça c'est important. Et on les retrouve d'année en année, et parfois on retrouve le même nom, on ne sait pas si c'est le même personnage, mais c'est très vraisemblable, dans plusieurs villes de la même région. Et ils sont vraiment, ce sont vraiment des professionnels, enfin, de la mise en scène. Pas vraiment des professionnels, mais des spécialistes. Ce sont des spécialistes, ce sont des organisateurs de cérémonies, plus que de représentations théâtrales. Par exemple, en Dauphiné, il y a un certain nombre de gens qui organisent les entrées royales, les mystères, les miracles, etc. Ce sont les mêmes personnages. qui ont, disons, une certaine capacité d'organisation des cérémonies. Et pour les peintres, ça pouvait être deux grands peintres, enfin, oui, par exemple, oui. Enfin, bon, ce ne sont pas des très grands peintres en général. Oui. À Lyon, oui, il y a notamment Prévost, etc. Il y a quelques grands peintres de la cité qui ont participé à ce genre de choses. Il y a Fouquet, évidemment. Est-ce que Fouquet, justement, oui, j'avais Fouquet posé a la question, participé à des organisations d'entrée royale, notamment. On sait qu'il y a participé très activement pendant une longue période. Disons que pour une ville comme Lyon, par exemple, il y a eu un relevé d'archives qui a été fait qui montre que tout au long du XVe siècle, il y a eu près de 500 peintres de la Guilde des peintres de Lyon qui ont participé aux entrées, aux cérémonies, aux organisations. 500 peintres. Oui, ah, ce qui est énorme. Ce qui est énorme, ça implique, n'est-ce pas, un maître peintre et ses aides, n'est-ce pas? Ah oui, oui. Alors ils sont chargés souvent d'un certain nombre de choses très complexes, pas seulement des décors, mais également d'un certain nombre de feintes, d'astuces concernant la mise en scène, etc., le paradis. Ce sont également des machinistes, souvent. On voit bien la liaison d'ailleurs qui existe à la Renaissance entre le métier de peintre et celui d'ingénieur, par exemple. Alors l'art, disons, au niveau mineur, il est également représenté. Et par exemple, on a beaucoup dit que le public, quand même, pouvait participer intensément à certaines de ces représentations. Est-ce que dans les acteurs, dans les gens qui jouaient, par exemple, s'il fallait jouer le rôle de Judas ou des rôles de méchants, est-ce que c'était une chose difficile? Est-ce que le recrutement était plus difficile, vous pensez? Vous pensez à une identification? Oui, il y a l'identification, et l'acteur et son... On en a parlé, on a fait même des romans là-dessus. Oui, exactement, des romans. Mais cela ne correspond pas, je pense, à la réalité. Car j'ai parlé tout à l'heure d'images et d'imagerie. Il est bien évident que ces gens-là étaient conscients qu'ils jouaient une image, et de même qu'ils avaient appris à ne pas confondre la peinture de la Vierge ou la statue du Christ sur la croix avec la réalité religieuse. De même, eux-mêmes ne s'identifiaient pas à ces personnages. Le problème du paradoxe du comédien, je pense, est impossible. Sinon, alors, on va tout droit vers le sacrilège. Or, manifestement, on ne gagne pas son paradis avec le sacrilège, et l'Église était là pour veiller au grain. Et il va nous falloir, malheureusement, nous séparer. Je voudrais vous poser une dernière question. Tout à l'heure, nous avons dit au début que, à propos de l'Angleterre, que le théâtre du Moyen-Âge, enfin, le théâtre du Moyen-Âge, en tout cas, c'est passions, ces mystères, se sont arrêtés subitement à cause de la réforme, et tout d'un coup, il n'y a plus y avoir ce théâtre qui était d'inspiration, disons, catholique. En France, il s'est arrêté également, mais pour d'autres raisons, bien entendu, quoique vous nous avez parlé de persistance jusqu'au milieu du XVIIe siècle, mais dans des régions, on peut dire, un peu reculées, n'est-ce pas ? Et comment, est-ce que l'on pourrait dire comment ce théâtre a disparu ? Est-ce que c'est une question de foi religieuse ? Est-ce une question de société ? Est-ce que la Renaissance, là, l'existence de ce que l'on a nommé la Renaissance, et là je me tourne vers Jean Jacot, est-ce que le paganisme de la Renaissance, est-ce que l'évolution des mœurs a mis fin brutalement à ce théâtre ? Je ne crois pas que ce soit le paganisme de la Renaissance sur lequel il y aurait beaucoup à dire, parce que sous l'aspect de, n'est-ce pas, souvent d'ailleurs la mythologie païenne n'est qu'une manière de présenter des allégories chrétiennes. Enfin, c'est assez complexe. Je crois qu'il y a eu une réaction culturelle qui correspondait peut-être à des modifications sociales, mais en tout cas qu'il y a eu une classe qui est devenue importante et dont le goût allait à l'encontre de celui de ces spectacles, dont il faut dire, on n'a pas beaucoup parlé de cela, qu'il comportait, dans l'exemple anglais, beaucoup moins que dans l'exemple de Valenciennes qu'a étudié M. Königson, qui avait un élément comique, soit lié au rôle des tortionnaires, soit au rôle des diables, n'est-ce pas ? C'était très important pour le public. Et puis, il y a aussi toute une ligne de développement romanesque, de vie parallèle de Judas et du Christ, n'est-ce pas, mise en opposition, que Königson a bien étudié, n'est-ce pas ? Donc il y a un théâtre qui est devenu suspect sur le plan religieux. D'ailleurs, vous savez que l'attitude de l'Église à l'égard de ces spectacles a toujours été ambivalente, qui a eu un courant de sévérité et d'austérité, qui est très méfiant à l'égard de toute expression artistique et surtout à des formes populaires. Oui, mais cependant, là, je vous interromps parce que nous allons assister tout de suite à la contre-réforme et que, par exemple, les jésuites qui sont liés à la contre-réforme vont beaucoup faire pour le développement du théâtre. Absolument, oui. Mais les jésuites ont leur rôle à jouer aussi là-dedans, que nous n'avons pas le temps de discuter. Non, bien sûr. Mais les jésuites ont joué un rôle pédagogique considérable. Et le théâtre était étroitement lié à leur pédagogie. Ils en ont fait un moyen d'endoctrinement et un moyen politique, non seulement en France, mais en Espagne, n'est-ce pas, toute la reprise en main des comédies de saints, des autos sacramentales. C'est en partie l'œuvre des jésuites. Non, ça, c'est le courant de la contre-réforme. Mais il y a eu aussi une évolution du goût et il y a eu l'autorité qu'ont acquise les modèles classiques, soit la tragédie, soit la comédie classique. Et à partir du moment où une bourgeoisie comme celle de Valenciennes, mais disons une autre bourgeoisie, une bourgeoisie parisienne peut-être, n'est-ce pas, a commencé à préférer des pièces classiques à des mystères, à ce moment-là, le mystère, sous une forme qui était en train de se dégrader, a été considéré comme une chose populaire et assez peu recommandable. Et démodé. Souvenez-vous de ce que de ce que disait Boileau, par exemple, des mystères, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Il pensait que ils étaient incompatibles avec une certaine conception de la foi. Ce sont là quelques éléments d'une évolution qui est très complexe. Eh bien, nous avons trop rapidement, évoqué aujourd'hui le théâtre du Moyen-Âge à travers deux publications récentes. Le livre de Elie Connickson, La représentation d'un mystère de la passion à Valenciennes en 1547, et le livre de Claude Gauvin, Un cycle du théâtre religieux anglais au Moyen-Âge. Ces deux volumes luxueux, je dois dire, de présentation, ont été publiés par le Centre national de la recherche scientifique. Et est-ce qu'on trouve ces livres, Jean Jacot, est-ce qu'on trouve ces livres facilement? Est-ce que si le public veut se les procurer, on les trouve dans des librairies? C'est-à-dire, de préférence, dans des librairies spécialisées dans les ouvrages de théâtre, ou bien en s'adressant directement pour la commande au CNRS, c'est-à-dire 13 quai Anatole France. Voilà, eh bien, je vous remercie beaucoup et j'espère que nous aurons l'occasion d'évoquer d'autres problèmes qui ressortent à vos spécialités. C'était Le Théâtre du Moyen-Âge, un numéro de l'émission Mise en scène proposée par Guy Dumur, diffusée la première fois le 10 mars 1974 sur France Culture, avec Elie Connickson, Claude Gauvin et Jean Jacot. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.